Chapitre 54. Clémence ne perdit pas la parole pour longtemps. « Et Denise ? » dit-elle en rouvrant les yeux. Le marquis resta sans répondre. Pendant cet entretien, il avait passé par les résolutions les plus extrêmes, chasser Clémence, rompre pour jamais avec elle, l'enlever au contraire et lier leurs deux vies pour toujours, abandonner Denise. Les deux premières idées, il les avait longuement méditées pendant sa douloureuse promenade à travers le parc. Il était prêt pour leur exécution. Mais les dernières, qui avaient surgi tout à coup, le prenaient à l'improviste. Comment les réaliser? Sans doute, il n'était pas difficile d'enlever Clémence. Il n'y avait qu'à monter en chemin de fer et à s'en aller droit devant soi. Mais Denise, que devenait-elle? Il n'était pas préparé à cette question. Comme il réfléchissait, Clémence secoua tristement la tête. « Tu vois bien, » dit-elle, « c'est impossible. » Mais quoi qu'il en soit, je te serai éternellement reconnaissante du cri qui vient de t'échapper. Tu as eu la pensée d'unir mon sort au tien. Par là, j'ai senti la puissance de ton amour. Si tu t'arrêtes maintenant, c'est devant une impossibilité. Reste près de ta fille. Je retourne près de mon mari. Subissons nos destinées. » Il ne répondit rien, et longuement il la regarda. Tout à coup, l'écartant, de manière à bien la voir en face. « Votre mari vous a parlé de Denise ? » dit-il d'une voix grave. Elle parut troublée. « Je vous prie, répondez, » continua-t-il. « Le capitaine vous a-t-il parlé de Denise ? Vous voulez que je vous réponde ? Je vous en prie. »« Eh bien, oui. » »« Que vous a-t-il dit ? » ?»« Il m'a parlé d'une lettre écrite par une comédienne, amie d'Emma Lajolet, laquelle lettre tendrait à jeter des doutes sur la naissance de Denise. J'avoue qu'en entendant ce récit, j'ai eu un mouvement de folle espérance. « Ah, si elle n'était pas sa fille, me suis-je dit, s'il était libre ?» Mais c'était là un rêve de l'imagination. Cette lettre est fausse sans doute, ou bien elle n'est qu'un bavardage sans conséquence. Est-ce que, si elle avait pu éveiller en toi le plus léger doute sur ta paternité, tu resterais ainsi hésitant? Entre la fille d'Emma Lajolet et moi, ton choix, j'ai l'orgueil de le croire, serait fait depuis longtemps. Si tu n'oses le faire, c'est que d'un côté il s'agit de ta fille, tandis que de l'autre il s'agit de ta maîtresse. Le père l'emporte sur l'amant. Eh bien, sois père. Je te rends la promesse que tu viens de me faire dans un élan passionné. Maintenant que la réflexion parle, écoute sa voix, écoute celle du devoir. » Tout en parlant ainsi, elle ne l'avait pas quitté des yeux, suivant anxieusement l'effet de chaque mot. Qu'allait-il répondre? À quoi allait-il se décider? « Vous savez bien, dit-il enfin, que je ne reviens jamais sous ma parole. Chose dite est pour moi chose faite. Ce que je balance en ce moment, ce n'est pas ma résolution. Elle est prise, et je vous l'ai fait connaître. C'est son exécution. Vous pensez bien, n'est-ce pas, que je ne peux ni ne veux abandonner Denise, la chère enfant? D'un autre côté, je ne peux pas la laisser au château. Que ferait-elle seule dans la compagnie de Madame Mérot? Sans parler de celle de Monsieur de Carquebus. Elle a besoin d'une direction. Elle a même besoin de plus. Qu'entendez-vous par là? Je dois être franche, n'est-ce pas? Et tout ce que je pense, même tout ce que je sens, je dois vous le dire. Je le ferai, mais vous vous souviendrez que vous l'avez exigé. Quand mon mari, il faut bien que je le nomme ainsi, puisque demain il sera redevenu mon mari et pour toujours. Quand mon mari m'eut parlé des doutes qui, selon lui, enveloppaient la naissance de Denise, je me laissais entraîner. Ce serait de l'hypocrisie de le cacher, à faire des projets. Un jour ou l'autre, ces doutes arrivaient jusqu'à vous. Alors vous n'abandonniez pas Denise et vous ne la repoussiez pas, car par cela même qu'elle n'était pas votre fille, elle pouvait l'être. C'eût donc été un crime à vous de la répudier. Mais elle n'était plus un obstacle à notre réunion, et ce que je n'avais pas osé vous confier, alors que ma confidence eût pu être considérée comme une attaque contre votre fille, je vous l'avouais, quand il ne s'agissait plus que d'une étrangère. Quelle confidence! Autant il était salutaire pour Denise d'être enlevée aux soins de Mademoiselle Davin, qui la soignait si peu, autant il lui serait mauvais maintenant de rester enfermée dans les limites bornées d'une éducation particulière. Denise a besoin de vivre avec d'autres jeunes filles, surtout avec des jeunes filles bien nées et bien élevées, qui lui feront perdre les déplorables habitudes de langage et de tenue qu'elle a contractées dans la maison maternelle pendant ses jeunes années. Tout ce que j'ai essayé à ce sujet a été inutile. Il n'y a que l'exemple, il n'y a que les leçons de l'amour-propre blessé qui seront efficaces. Voilà pourquoi, dans mes projets en l'air, je plaçais Denise dans une maison d'éducation, pensionnat, couvent, où elle recevait ses leçons des camarades avec lesquels elle vivait jusqu'au moment où vous pouviez la marier. Allant plus loin encore, toujours dans mon projet, ou plus justement dans mon rêve, j'avais choisi ce couvent. C'était celui de Sainte-Rutilie, à Annebeau. Quelle folie, n'est-ce pas? Ce qui était folie hier ne l'est plus aujourd'hui. Vous remarquerez, continua-t-elle, que dans ce choix, tout ce qui pouvait être favorable à Denise se trouvait réuni. Vous n'étiez séparé d'elle que par une courte distance qui vous permettait de la voir chaque jour. De plus, le couvent de Sainte-Rutilie est assurément un des meilleurs de la province. Monsieur l'abbé Guillemide, réussissant là, comme dans tout ce qu'il entreprend, a su en faire, en peu de temps, une maison à la mode, dans laquelle le prix élevé de la pension ne permet l'admission que de jeunes filles riches. L'instruction qu'on y donne est excellente. Enfin, je ne vois pas que quoi que ce soit lui manque, et ce qui confirme ce sentiment, c'est le succès considérable qu'il a obtenu. Tout succès a sa raison d'être, et celui-là me paraît sous tous ses rapports pleinement justifié. Elle se tut. Bientôt, le marquis, qui était resté les yeux baissés, lui tendit la main. « Voulez-vous m'obliger, dit-il, d'aller à Annebeau vous entendre avec M. l'abbé Guillemite pour qu'il veuille bien recevoir Denise dans son couvent ?»« Moi ? Vous voulez ? Vous me rendrez un réel service. Je serai embarrassé pour lui parler de Denise. Vous le ferez mieux que moi. En même temps, vous vous entendrez avec la supérieure et vous lui ferez connaître le caractère de Denise en insistant sur les côtés qui, selon vous, ont besoin d'être modifiés par l'éducation en commun. Enfin, vous direz qu'on prépare la chambre de Denise pour ce soir. » « Ce soir ?» Il ne se laissa pas interrompre. « Croyez-vous que j'accepte que vous passiez la nuit ici ? Vous partirez ce soir, ou ce qui vaut mieux, vous ne reviendrez pas d'Annebeau au château. Vous vous ferez conduire à la station, après que tout sera convenu avec l'abbé Guillemite et la supérieure du couvent. À la station, vous prendrez un billet pour Le Mans, et vous partirez par le train de 2 heures. Moi, je vous rejoindrai par celui de 6 heures. Le Mans est une gare de jonction où l'on peut prendre toutes les directions. Si monsieur le capitaine Beaujonnier avait envie de courir après nous, là, il perdrait nos traces. D'autant mieux que je n'ai pas envie d'aller à Paris, où probablement il nous cherchera. Du Mans, je comptais aller à Saint-Malo, et de Saint-Malo en Angleterre par Jersey. » Il parlait en homme qui explique un plan depuis longtemps conçu et arrangé avec calme. Comme elle le regardait, stupéfaite de cette assurance dans la résolution. « Vous êtes surprise, dit-il en interrompant son idée, de m'entendre parler ainsi. « Je dois imiter votre franchise. Par la demande que je vous ai adressée tout à l'heure au sujet de la lettre de Balbine, vous avez compris que j'avais connaissance de cette lettre. Vous ne vous êtes pas trompé. Cette lettre m'a été communiquée par M. de Carquebus, qui a voulu ainsi m'empêcher de laisser ma fortune à Denise. De ce jour, j'ai pensé à donner à notre amour une sécurité, qu'il ne pouvait pas avoir quand j'étais engagé envers ma fille par des devoirs qui ont cessé, au moment où j'ai eu la certitude que cette lettre n'était pas fausse. Je pouvais me sacrifier, moi et ma passion, à ma fille. Je n'ai pas le droit de vous sacrifier, vous qui m'aimez, vous que j'adore, à Denise Lajolais. Nous partons donc. Quant à Denise, ne craignez rien pour elle. Elle trouvera en moi un tuteur dévoué, un parrain qui ne l'oubliera pas, un ami sincère. » Elle joignit les mains avec extase et parlant sans s'adresser au marquis. « Toujours le même, dit-elle, la noblesse, la grandeur en personne. » Sans doute l'éloge était trop fort, ou tout au moins il n'était pas en situation, car le marquis eut une contraction douloureuse. « Je vous en prie, ne parlons pas de cela. En ce moment, je ne pense qu'à mon amour, et je me laisse entraîner par lui. Et c'est mon amour qui vous admire. Voulez-vous donc que je reste insensible et froide en présence de la tendresse et de la passion dont vous me donnez une si grande preuve ? Partir avec moi ? Quitter vos habitudes, vos amis, votre vie heureuse et tranquille ? Vous aimerai-je jamais assez ? « Pensez-y, Arthur, il est encore temps de revenir en arrière. »« Avez-vous donc peur de l'inconnu ? C'est pour toi que j'ai peur, ce n'est pas pour moi. Si un jour tu ne m'aimais plus, Arthur, j'en mourrais. »« L'heure a marché, dit-il, vous n'avez que le temps. N'emportez rien pour ne pas éveiller les soupçons, un manteau seulement. Pour moi, pendant que vous serez à Annebeau, je vais préparer Denise. »« Ne vaudra-t-il pas mieux ne lui rien dire et en route la préparer ? La séparation sera assez pénible pour elle, sans l'attrister encore longtemps à l'avance. » Il eut un geste de vive contrariété. « Vous avez raison, dit-il. » Elle se dirigea vers la porte. Mais après avoir fait quelques pas, revenant vers lui et lui prenant les deux mains, « Arthur, regardez-moi les yeux dans les yeux, les mains dans les mains. Dans ce château qui appartient à vos pères, loyalement suis-je votre femme ? » Il la prit dans ses bras et sa réponse fut un baiser passionné. « À ce soir, » dit-il. Elle allait sortir, il la retint. embrassez Denise, dit-il. Pensez-vous donc que je l'aurais oublié, mon ami, à pareil soupçon ? Elle sortit, il sonna, et Valérie entra. Faites atteler la Victoria pour Madame Clémence, dit le marquis. Le valet de chambre s'inclina pour cacher un sourire. La scène a été longue, se dit-il en sortant, mais elle a été décisive. Balancée, ma foi, elle ne l'a pas volée. J'ai bien vu tout à l'heure à la figure de la petite dame qu'elle n'était pas contente. C'est sa faute aussi. Recevoir un homme par le balcon, ça ne se fait pas, ces choses-là. Pourvu que celle qui la remplacera ne soit pas trop laide.